oui, n'existe plus. On a été averti qu'il fallait s'arrêter, tout stopper, mais bien sûr, toutes les manifestations ne font pas peur. Inondation et ouragan, tendrement. Chaleur et froid extrême, tremblement de terre, personne ne s'inquiétait. Nous ont eu.